guitare sur le dos, collier de perles, des bagues sur les mains, un blue jean, un foulard indien. Elle chantait sous le soleil de San Francisco. C'était en juin, je l'aimais bien. Après la moisson terminée, le grain rangé dans le grenier, on a dansé toute la nuit. Au petit jour, elle est partie. Elle m'a dit adieu d'un signe de la main. Je l'ai suivi longtemps des yeux dans le lointain. C'était en juin, je l'aimais bien. Une guitare sur le dos, collier de perles, des bagues sur les mains, un blue jean, un foulard indien. Elle chantait sous le soleil de San Francisco. C'était en juin, je l'aimais bien. Sous le ciel californien, un copain américain l'a rencontré un matin. Ils ont pris le même chemin. Elle a chanté pour lui cette balade ancienne, qu'elle chantait pour moi, j'en ai eu de la peine. C'était en juin, je l'aimais bien. Une guitare sur le dos, collier de perles, des bagues sur les mains, un blue jean, un foulard indien. Elle chantait sous le soleil de San Francisco. C'était en juin, je l'aimais bien. C'était en juin, je l'aimais bien.